de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cinéma progressiste, cinéma engagé, cinéma didactique, des films qui parlent aussi bien du Chili que de la banlieue parisienne, du pillage de l'Afrique par les Européens que des grèves en Vendée. Les années 70 étaient, cinématographiquement parlant, militantes. Mais ce cinéma était-il distribué et donc vu? Ou bien restait-il dans des boîtes et dans des tiroirs? Réponse, entre autres, de Marine Karnmitz dans Courant alternatif, court-circuit par Louis-Charles Sirjac. Première diffusion sur France Culture, le 22 octobre 1974. Tu vois, qui permettent tous les actes, enfin, procès, tu vois, enfin, les autres, tu vois. Courant alternatif. Court-circuit. Tu vois. Le sang, tu vois. Courant alternatif numéro 33. Un film, Biconègre, vos voisins, un cinéaste, Médondo, un livre, Cinéma et politique, Christian Zimmer, produire et diffuser des films politiques, Marine Karnmitz, un film chilien de Miguel Littin, La Terre promise, Gérard Lester. Prochainement, au studio de la Harpe et au Mira Palace, Bico Nègre, vos voisins. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Alors comme ça, vous êtes venus au cinéma? Oui, bien sûr. Nous aimons beaucoup le cinéma chez nous. Et nous y allons quelquefois après le travail. Et quand nous avons le temps, de l'argent. Au fait, le cinéma, qu'est-ce que ça signifie au juste pour nous autres, peuples d'Afrique, du tiers-monde, peuples dits sous-développés, paysans, chômeurs? Les Africains vivant dans les conditions que l'on connaît, enfin, par connaître, j'entends, dont on a entendu parler, Med Pondo, de temps en temps, mais qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît pas du tout, considèrent le cinéma comme quelque chose d'extérieur à eux. Ceci est très simple à comprendre, parce que le cinéma qu'ils vont voir quotidiennement ne parle pas de leurs problèmes, ne parle pas leur langue, ne parle pas de leur culture, ne parle pas de leurs conditions, disons, sociales. Alors, non seulement cette vie est insoutenable, impossible, mais penser que ce cinéma, qui est un cinéma de distraction, qui est très loin d'eux culturellement, puisse servir d'eux pour les montrer aux autres, c'est une honte, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc la difficulté était de leur dire, oui, bien sûr, le cinéma que vous voyez, c'est un cinéma entre guillemets, c'est quelque chose qui ne vous touche pas, mais le cinéma, enfin les moyens techniques, l'image et le son, peuvent montrer, peuvent informer, vous d'abord, de votre frère qui sont à seulement 500 mètres ou à 2 km que vous n'avez pas l'occasion de voir parce que vous travaillez 10 heures par jour. Parce que le gouvernement français, le gouvernement qu'on a mal reçu pour le fonds d'action sociale, l'année dernière il y avait eu plus de combien de milliards? Il y avait eu plus de 26 milliards. Alors cet argent, le gouvernement avait dit qu'il fera des foyers jusqu'à présent, aucun foyer qui était construit pour les travailleurs maigris. L'année dernière, en 70, il y a eu 5 travailleurs africains morts à Aubervilliers. Cette année, il y a eu 5 morts de travailleurs portugais. Au lieu d'aller nous mettre dans le foyer à la rue Vaugirard, qui est l'armée du salut, nous ne voulons pas ça. Nous ne sommes pas des militaires ici en France. Voilà. Et en même temps, montrer à des Français vos conditions, parce que ces Français peuvent lutter avec vous, car les Français ne sont pas tous les mêmes. Il ne faut pas considérer que tous les Français sont des exploitants ou des colonialistes. Ceux-là ont besoin d'être informés. Donc, s'ils ne viennent pas à vous, prenons le moyen cinématographique pour aller à eux et les informer. Donc, ça a été une difficulté. Cette difficulté m'a entraîné dans un premier temps à commencer à tourner un bout de ce film qui faisait une demi-heure, que j'ai projeté à pas mal de ces Africains pour leur dire, voyez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais travailler. Est-ce que vous estimez que, c'est quelque chose qui ne trahit pas votre pensée? Est-ce que vous pensez qu'en allant plus loin, on peut informer les Français de votre situation? Ils ont accepté de parler de leurs conditions, car encore une fois, ils n'ont pas fait le film. Je dis ça pour ne pas qu'il y ait de malentendus. La façon de vouloir s'adresser aux Français et aux immigrés est une chose relativement simple. C'est-à-dire que dans la société française d'aujourd'hui, si nous faisons du cinéma vérité, c'est-à-dire si nous mettons une caméra dans un coin de rue et que nous filmions tout ce qui s'y passe, nous verrons au bout d'une minute trente qu'il y a dans cette rue une espèce de peau bizarre qui va passer. Un arabe, un antillais, un africain, un tunisien, un immigré. On ne peut pas faire un film sur l'immigration en éliminant les Français ou en éliminant les immigrés. On dit le français, il faut dire les capitalistes français ou le colonialiste français. Le français, il faut bien préciser. Le français, il n'y aura pas d'exception. Tous les blancs, c'est raciste. Non. Moi, je dis ça. Parce que, non, il n'y aura pas d'exception. Parce que pour même tu marches, tu dis bonjour à quelqu'un, il te montre de je dis. Alors, c'est normal. Parce que tu t'en vas tout de suite demander une location à quelqu'un. Tu vas demander, bon, je voudrais apprendre cette chambre cette nuit. On te refuse. Mais pourquoi? Oh, la regaïmahère, tu vas où elle est? Je n'ai pas voulu faire un film ni sentimental, ni un film où je raconte une petite histoire pour pleurer sur l'immigration. Je n'ai pas voulu non plus être gentil, faire un film qui marche, faire un film commercial, me préoccuper de savoir si après celui-là je vais en faire un autre. J'ai essayé de dire un certain nombre de choses et j'ai employé des moyens techniques adéquats, me semble-t-il. Monologue introductif, cinéma dérouter, vérité, document filmé, reportage, forme, séquence purement didactique, mais dont Do a tout utilisé sans que jamais son œuvre perde son unité. La critique du cinéma occidental à laquelle, au début du film, se livre Bachir Touré mériterait par sa rigueur, son humour, son mépris vengeur de figurer dans une anthologie. Maurice Oustrière, Festival du Jeune Cinéma 74, Toulon. Il y a des gens qui vous disent qu'ils viennent manger votre pain, d'autres qui vous disent qu'ils viennent parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit chez eux, ils viennent pour envoyer de l'argent chez eux, mais en fait, qui sont-ils? Qui sont-ils? Et j'ai employé un langage très simple et très direct, c'est-à-dire que d'ailleurs en sous-titre, il y aura sur l'affiche « Des immigrés parlent au français ». Tout ce qui n'est pas didactique, à mon avis, quelquefois au cinéma, c'est-à-dire qui comporte des mouvements de caméra très compliqués, donc la fiction, ce que j'appelle la fiction, risque de détériorer ce que l'on veut dire. Et surtout pour moi, le didactisme est un moyen... Il nous est apparu que pour résoudre les problèmes que pose l'écriture d'un scénario, il est préférable de partir d'analyse de la réalité plutôt que d'idées cinématographiques, c'est-à-dire de fonder le travail d'écriture plus sur des analyses de la réalité que sur des idées cinématographiques. Jean Jourdeuil, à propos du scénario, l'avant-scène cinéma numéro 122, février 72. Sur lequel les gens vivent. Il a une des seules façons d'essayer de bien préciser les choses, c'est d'être quelquefois didactique, et moi en tout cas je n'ai pas peur d'être didactique pour dire ce que j'ai à dire. Lorsqu'on entend parler de lutte de classe, par exemple, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut fuir ce mot? Est-ce qu'il faut savoir ce qu'il signifie et par la suite prendre une position? Toujours utile que pour le montrer, il s'agit de le disséquer, c'est-à-dire de faire une espèce de procédé anatomique à l'image, le plus simple possible, avec une caméra qui ne bouge pas, et dire « voilà ce que j'ai à vous dire, vous en faites ce que vous voulez ». Mais c'est un procédé cinématographique comme un autre. Toutes les choses pour pouvoir nous diviser, mais il n'était pas arrivé au bout. Quand tout le monde avait compris que ça soit Bambara, que ça soit Tout Couleur, que ça soit Sarakolé, que ça soit esclave, que ça soit noble, nous vivons tous dans la merde et que nous avions tous le même problème. Nous voulions reloger dans des conditions meilleures. Oui, c'est le genre de foyer modèle dont rêvent actuellement la plupart des travailleurs africains en France vivant dans les taudis que l'on connaît. Pourtant, ce foyer modèle, voici ses caractéristiques. Il y a au moins trois travailleurs par chambre. Il y a 4 étages, 28 chambres par étage. Et on les fait payer à raison de 120 francs par lit. Et il y a 3 lits par chambre. Oui. 3 lits par chambre, oui. Ce qui fait à peu près pour l'organisme qui a fait cette œuvre 4 millions et demi par mois. D'anciens francs. 4 millions et demi d'anciens francs par mois. Il faut signaler que, d'après des sources très sérieuses, l'organisme en question n'a pas dépensé un sou, parce qu'à l'origine, il est subventionné par le FAS, qui... Le Fonds d'Action Sociale. Le Fonds d'Action Sociale, qui prend l'argent aux travailleurs eux-mêmes. C'est cela. Ce sont donc les travailleurs qui financent à l'origine la construction d'un foyer, qu'on leur fait payer par la suite très cher, et on ne sait pas trop où passent ces 4 millions et demi, sauf qu'il y a une partie minime qui est destinée aux frais généraux, charges mensuelles, etc. La plus grande partie, ça passe dans les poches de qui? Il y a des Espagnols ici, Portugais, des choses comme ça. Ah non, il y a uniquement les Marocains, les Algériens, les Mauritaniens et les Sénégalais. Pour faire les commissions, si, comment vous faites? Si j'ai décidé d'être militant par le cinéma, c'est parce que d'abord je considère que le procédé cinématographique jusqu'ici est un procédé employé pour l'argent, uniquement pour endormir le peuple en général. Et je considère que, par exemple, en ce qui concerne l'histoire des Africains, les Africains eux-mêmes, leur civilisation, leur culture, on ne sait rien en ce qui concerne l'Occident. Et eux-mêmes ne savent pas grand-chose. Bon, le pillage de l'Afrique, bien sûr, à travers le colonialisme, etc., etc., je ne vais pas en parler, bien que... Il faudrait en parler beaucoup, les gens croient toujours être informés, ils ne savent rien, mais je leur laisse le choix d'aller eux-mêmes s'informer s'ils en ont envie. Mais disons que l'Afrique a subi, l'Afrique noire particulièrement, a subi un pillage humain, et aujourd'hui les historiens s'accordent à donner un chiffre de 100 millions d'hommes. 100 millions d'hommes entre le 14e et le 19e siècle. Joseph Kizaiko, Histoire de l'Afrique noire. Comment est-ce que l'Afrique a pu survivre à ce phénomène d'extermination? Aujourd'hui, pour moi, ce phénomène existe sous des aspects différents. On a la pudeur de l'appeler émigration. Bien sûr, les gens viennent pour soi-disant avoir de l'argent, mais le pillage continue. C'est-à-dire que l'élément le plus constructif d'une nation est l'homme. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'hommes qui sont absents de chez eux et qui viennent pour se faire exploiter ailleurs et être totalement privés, coupés de leurs sources. On nous a amenés dans un nouveau foyer, mais là, on s'est aperçu que c'est un foyer presque prison. Premièrement, on n'a pas le droit de recevoir des visites. Et quand on rentre dans le foyer, il y a une loge là. Et cette loge surveille les deux ascenseurs, ce qui fait que personne ne peut monter dans l'immeuble sans qu'il te voie. Alors, il y a une autre loge opposée, c'est la loge du gérant et du directeur. Cette loge surveille la rue. Et tous les soirs, à partir de 6 heures, quand nous descendons du travail, il y a un quart de police qui est juste devant la porte, qui fait le rond tous les soirs. Et puis, il y a une autre loge là, et dans cette loge, il y a un officier de police qui tient la permanence tous les soirs, de 18 heures jusqu'à 22 heures. Et il est relié directement avec la préfecture de police, avec Kantoki Wonki. Tous les salles d'attente, ils ont des micros, auxquels n'importe quoi qu'on dit dans les salles, c'est relié directement à la police. La préfecture de Paris m'ont envoyé une lettre. Et dans cette lettre, voici ce qu'ils disent. Monsieur, le dimanche 11 février 1973 à 15h30, vous avez reçu dans votre chambre une femme. Or, d'après le règlement, vous savez qu'il est formellement interdit de faire monter des personnes dans l'immeuble. Malgré l'opposition du gardien, vous êtes passé outre. Je tiens à vous signaler que si cela se reproduit, vous serez renvoyé. À ce niveau-là, je ne pouvais pas, en tant qu'immigré moi-même, employer le cinéma tel que les autres l'emploient. Mais ça, ce n'est pas pour me différencier d'eux par principe, pour dire « moi, je suis un Africain immigré, donc mon cinéma est plus révolutionnaire ». Pas du tout. Les choses que j'ai à dire, mes motivations essentielles, demeurent historiques. Elles participent de ce phénomène. Et le cinéma que je fais est forcément plus complexe, parle de beaucoup de choses et informe beaucoup plus, parce que je tiens avant tout à ce que l'on sache exactement ce que nous sommes avant de nous entre-déchirer, avant de continuer les assassinats, avant de voir les murs de Paris, de Marseille remplis de tracts racistes, avant d'entendre des slogans rallumant les fours crématoires, etc., etc. Donc ce film ne peut en aucun cas être comparable à d'autres films parce qu'il participe de motivations totalement différentes. Il participe d'un moment dramatique de l'histoire, en tout cas pour les Africains, et qui est problématique pour les Français. Très problématique. Et c'est en ce sens-là que mon film est militant. Bien sûr, il est militant. Voyez un cadeau pour maman. Oh, Timouna, ben moi dur ça. 400 ans, nous qu'avons fait. Ou que dit non, mais ça, nous qu'a couché pour nos grandotes. Au pays, c'est ça qu'a dit. L'avenir, c'est à Paris. Si vous voulez apprendre nos métiers, migrants d'hommes qui prennent en main. Timouna, non qu'on passe. Ou que dit non, mais ça. Si nous pas battre qu'à nous. Zodi et quoi ce qu'il loue en nous. Arrivez-moi, arrivez. Yo foutez-moi dans l'hôpital. Bon, éponge et emballé. C'est bon dans tes catochés. Mais depuis moi comprendre ça, on pas réfléchi deux fois. Au menu de l'érotisme, l'exotisme est à la mode. À présent, pas qu'à chômer. Moi, pas qu'à manquer l'argent. Ça qui s'avie autour au rasé. Pas mander moins ça moins qu'avant. Alors ma soeur, comment ça va? J'en ai rien à foutre des nègres fauchés. Va plus loin. Oh Timouna Kaukafella, assieds-toi blanc là. Si maman voûte. De la collection Cinéma 2000, c'est Gers, paru un livre de Christian Zimmer, Cinéma et politique. Dans la mesure où il était à sa naissance considéré comme art du réel, le cinéma était appelé à aborder très rapidement des thèmes politiques. Certes, la politique ne pouvait guère apparaître à l'époque que comme une partie du réel, un aspect de l'actualité, et c'est bien en tant que tel que la caméra l'enregistre. Les événements politiques sont des événements comme les autres, et c'est l'événement qui compte, plus que ce qu'il signifie. Du reste, tout à son émerveillement de découvrir ce double magique de la réalité que lui renvoie l'espèce de miroir perfectionné qu'est l'écran, le public ne demande guère qu'à voir la vie telle qu'elle est, et n'imagine pas qu'on pourrait également la lui donner à voir telle qu'elle pourrait ou devrait être. Alors les filles de chez Cousseau, le jour de gloire est arrivé. Prends de Joseph, le licenciement est levé. Le licenciement est levé. Entendez-vous dans... Extrait de Scène de grève en Vendée, coproduit par Iskra et le collectif MK2 de Marine Karmitz. Tout cinéma est politique. Il y a, disons, prenons des titres de films, il y a par exemple les films de Henri Verneuil ou de Claude Lelouch, qui sont des produits, qui sont pensés pour essayer d'annihiler, de supprimer toute possibilité de réflexion ou de contestation du pouvoir. Combien coûte un film français ? 80 films ont été produits ou coproduits en France dans le premier semestre 1974. Budget supérieur à 5 millions de francs, 14 films, dont Borsalino & Co, Les Saints de Glace, Verdict. Entre 3 et 5 millions de francs, 9 films, dont Comme un pot de fraises, La femme aux bottes rouges. Entre 2 et 3 millions, 8 films. Entre 1 et 2 millions, 22 films, dont Le milieu du monde d'Alain Tanner. Budget inférieur à 1 million, 27 films, dont une vingtaine de films érotiques et quelques films d'auteurs. Il y a, d'autre part, des films qui sont des films qui incitent à la réflexion, qui peuvent être des films d'auteurs qui ont quelque chose à dire, qui parlent de leur passé ou de leur vie, etc., mais qui ne sont pas uniquement des films d'aboutissement ou des films abétissants. Prenons un exemple, des films de Costa Gavras, sont des films qui, tout en n'étant pas des films amenant des possibilités réelles pour les gens de comprendre leurs contradictions, de comprendre leur situation, les amènent malgré tout à se poser des questions et à réfléchir. C'est cela que j'appelle des films progressistes. Ce sont par exemple les films de Gavras, les films de Tanner, Ça peut être des films de Rivette ou d'Alliot. Il y a quand même une troisième catégorie de films qui sont très directement en rupture avec l'idéologie dominante et qui sont vraiment du côté des travailleurs en lutte. Et je ne pense pas, par exemple, que Kupurku soit un film progressiste. C'est un film qui est dans le courant révolutionnaire, dans le courant qui conteste réellement et en proposant des solutions concrètes aux gens, conteste réellement l'ordre établi. Sans simplement laisser aux gens se poser des questions sur l'ordre établi, on le conteste. Ce qui est vraiment neuf aujourd'hui, c'est qu'une catégorie supplémentaire est en train de se créer, celle du film politique. Ce qui veut dire que le public, qui pour orienter son choix accorde une grande attention à cette notion de genre, dispose désormais d'une branche de plus dans l'éventail qui lui est offert. Que le film politique soit encore loin de pouvoir rivaliser avec le film d'amour ou le film comique, cela est sans doute moins important que le fait de cette reconnaissance elle-même. Celle-ci traduit en effet une incontestable évolution dans les mœurs du public et même de l'opinion en général, un changement significatif dans sa manière de concevoir les rapports de l'art et de l'engagement. Cinéma et politique, Christian Zimmer. Actuellement, on a deux formes, deux possibilités plutôt, non pas deux formes, deux possibilités de rendre compte et d'informer. En ce qui concerne le cinéma, on peut informer soit en recréant une réalité, comme c'est le cas dans Coup pour coup, c'est-à-dire la lutte des ouvrières de Coup pour coup est une réalité complètement remise en scène, réécrite, à partir de situations réelles et interprétée par des gens ayant vécu ces situations. Il y a une autre façon, et qui doit aller de pair, qu'on doit mener en même temps, de rendre compte de la réalité, c'est de l'information immédiate. Ce sont les possibilités de tournage en magnétoscope, les possibilités de tournage en Super 8, des films documentaires en 16 mm, à base de témoignages, de faits concrets tournés au moment même de l'action. C'est aussi les montages audiovisuels, etc. Donc, on a monté, dans le cadre de notre travail, une agence audiovisuelle destinée à faire des montages de diapositives sonorisées avec des mini-cassettes sur les luttes ouvrières. 1967, grève de la Rodiacetta. Film « À bientôt, j'espère » par Chris Marker, Mario Marais. 1968, Godard, Cinétract. Groupe, Dziga Vertov. Groupe, Medvedkin. Groupe, Sloan. Groupe, Dinadia. En fait, c'est des espèces de petits journaux d'information que nous passons dans nos salles de cinéma. Et ça, c'est de l'information immédiate, d'ailleurs prise en main très souvent par les gens eux-mêmes qui font eux-mêmes les photos parce que la photo est un instrument plus facile à manier, dont le montage et la reproduction est faite par nous, ou la sonorisation est faite par nous, mais à partir vraiment des éléments envoyés souvent par les gens participant aussi, directement aux luttes. Ah oui, c'est formidable. Moi, j'entendais une ouvrière un jour qui disait, bon, quand j'arrive chez moi le soir, j'ai même rien envie de faire. Alors le médecin lui disait toujours, mais il faut arrêter, c'est de la tension nerveuse. Et depuis qu'elle est en grève, bon, ben, elle a plus ce problème-là. Elle a été voir le docteur, sa tension était normale. Ouais, elle était toujours en équilibre. Mais Colette, tu le dis bien, toi. Tu dis que Colette tremblait avant. Mais maintenant, elle dit qu'elle tremble beaucoup moins, alors c'est nerveux, hein. Le combat que j'essaie de mener est un combat sur le terrain de l'ennemi. Je pense qu'il est parfaitement absurde de laisser à la bourgeoisie, au patronat, l'entière domination des moyens d'information. Il est évident que son intérêt actuellement, c'est de laisser un espèce de ghetto, de laisser un espèce de petit secteur tout à fait marginal à la contestation, parce que ce n'est pas très gênant. Ce qui les ennuie beaucoup, c'est que quand on commence à mettre dans leur salle, là où vont réellement des spectateurs nombreux et pas seulement des gens convaincus, des films qui effectivement mettent en cause leur pouvoir, leur système, leur régime. Il se trouve en plus qu'on a à faire face maintenant, et cela depuis deux ou trois ans, en particulier depuis la vente du secteur de salles et du secteur de distribution appartenant à l'État, et que l'État a vendu, que le gouvernement Chaban-Delmas a vendu au secteur privé, à un renforcement incroyable des monopoles, qui, actuellement, ont la maîtrise et la possession complète de quasiment l'ensemble du parc de salles français, donc des circuits de distribution et par contre-coup, par voie de conséquence, de la production. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ensemble des salles françaises appartiennent à trois groupes. L'un, c'est Gaumont-Pathé, l'autre, c'est l'UGC, le troisième étant un groupe lié aux Américains qui s'appelle Parafrance. Les trois groupes travaillant ensemble, ayant des accords pour se partager le terrain. Il se trouve malheureusement que pour l'instant, il n'y a pas de loi antitrust en France, sinon on pourrait réellement les attaquer sur la base d'une loi antitrust et on aurait des chances de gagner. Donc, j'étais amené à distribuer des films, à monter une maison de distribution, et pour pouvoir distribuer des films, être sûr que j'avais des salles. Donc, prendre en charge d'abord une salle que nous avons louée au Quartier Latin, et puis construire nos propres salles. Le 14 juillet. Sinon, actuellement, par exemple, je peux donner deux exemples très précis. Le Courage du Peuple avait été acheté par justement un de ces monopoles, et il était dans des tiroirs, et le film restait dans des boîtes depuis à peu près plus d'un an et demi. Et on aurait pu continuer à rester dans des boîtes si j'avais pas trouvé le moyen de racheter 50% des parts pour obliger ce monopole à sortir le film. Je suis allé proposer La Terre Promise à l'ensemble de ces trois, aux différents responsables de ces trois monopoles pour leur demander d'autres salles que simplement le Saint-Séverin et le 14 juillet. Ils m'ont tous rayonné et m'ont refusé leur salle. Et si donc on n'avait pas eu la possibilité de sortir dans ces deux salles, on n'aurait pas pu sortir ce film. Je ne parle même pas d'Attica, qui est déjà un film un peu plus difficile. Je ne parle pas de Quand le peuple s'éveille et je ne parle pas du Charbonnier. Mais je prends l'exemple de deux films que je considère comme très publics, qui valent très largement tous les spectacles ridicules dont on abreuve les gens. Tout à fait. A chi mengo onde pongo la rodilla in tierra, un templo muy grande de levantarle. Que se haga tu voluntad en la tierra, José Durán. Gérard Lester, critique, parle du film chilien de Miguel Littin, La Terre Promise, projeté actuellement au 14 juillet. Moi, bien effet, le film de Miguel Littin situe les événements au début des années 30, c'est-à-dire dans une conjoncture de crise économique qui frappe en particulier une grande partie de la population du nord du Chili. En effet, les faits dont s'inspire le film sont des faits entièrement réels. À l'époque, pour essayer de faire face à la crise, des groupes de chômeurs forcés évidemment, s'installent sur des terres domaniales ou bien sur des propriétés abandonnées par des latifondistes à l'époque, c'était des propriétaires européens. Et ces groupes de chômeurs forment des communautés égalitaires de production agricole. C'est la communauté de Palmilla que l'on voit se constituer dans le film. Cette communauté est animée par un héros, on peut dire quasi mythique, José Durán, dont le dynamisme révolutionnaire est galvanisé par l'arrivée simultanée au pouvoir au Chili en 1932, dont les faits sont bien situés, de Marmaduke Grove, qui est le premier président socialiste du Chili, Allende étant donc le second. José Durán s'efforce d'étendre le pouvoir populaire à toute la région et évidemment à l'ensemble de sa vie économique. Mais la République socialiste de Grove ne durant que 12 jours, la communauté de Palmilla sera finalement anéantie dans un bain de sang par la répression bourgeoise. Donc en premier lieu, le film de Littin vise, en 1974, à une réappropriation par le mouvement populaire de son passé afin d'essayer d'en tirer des leçons utiles pour l'avenir. C'est la mémoire de la lutte populaire. Littine a entrepris au départ un travail commun avec les paysans de la province de Santa Cruz. Ce travail commun a duré 8 mois. Il a fait des enquêtes très très approfondies auprès des paysans, en particulier de Ranquil, et avec d'autres gens qui lui ont raconté comment les nouvelles du gouvernement socialiste de Marmaduke Grove leur étaient parvenues et comment ils avaient vécu. Il a donc commencé à tourner son film, non pas avec sa propre optique, mais avec celle d'un vieux paysan qui à l'époque était adolescent. Et c'est donc à partir de ce point de vue qu'il a réalisé La Terre Promise. On peut d'ailleurs faire une comparaison avec le film de Jorge Sanginés, Le Courage de Peuple, qui avait lui aussi fait mettre en scène son film par les mineurs de l'Altiplano. Et c'était en cela une innovation pour les films latino-américains. C'était les mineurs eux-mêmes qui prenaient en charge le film. Alors, à côté de l'aspect mémorisation des luttes populaires, il y a un autre aspect important dans le film, justement, c'est ce côté approfondissement des éléments de la culture populaire pour sa réappropriation par les masses. La classe dominante s'efforçant de figer toujours ces éléments de la culture populaire dans le folklore, il faut absolument les replacer dans leur perspective naturelle, c'est-à-dire dans leur perspective de lutte. Il est bien certain que depuis l'invasion des conquistadors espagnols, des conquistadors portugais, l'introduction en particulier de l'image de la Vierge comme iconographie religieuse se retrouve à travers tous les chants et tous les contes populaires chiliens. Et Littine n'a absolument pas essayé d'occulter cet aspect de la vérité. Il a précisé cependant qu'il existe au Chili 2 Vierges, non pas une seule, la Vierge des pauvres et la Vierge des riches. Et on voit tous deux leur influence sur les classes respectives à l'intérieur du film. Alors on pense évidemment comme influence à celle du cinéma novo-brésilien de Glober Rocha. Il y a des correspondances évidentes dans le film avec Antonio Das Mortes. Et alors si on voulait faire un rapprochement avec un cinéma européen, on dirait qu'en Europe centrale, le Hongrois Miklós Jancsó, lui aussi dans la dernière période de ses films, je pense à Psaume Rouge, réintroduit également des éléments de la culture populaire. Littine et Sanginés, par leur film, ont très certainement là ouvert une voie qui devrait, entre guillemets, permettre de créer des cinéastes, en même temps que des films d'ailleurs, si bien qu'on peut peut-être espérer qu'un jour, ce ne sera plus seulement une élite qui fera des films, mais les gens eux-mêmes d'ailleurs qui autrefois s'exprimaient par le folklore, par la musique, et qui pourront désormais le faire par le cinéma. Tu vois, qui permettent tous les actes, les autres, tu vois. Courant alternatif. Court-circuit. Tu vois. Janine Antoine, Dominique Helt, Joseph Remiaux, Louis-Charles Saint-Jacques. Tu vois. Tu vois. Tout le monde travaille comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 octobre 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.